Go back to bed, America. Your government is in control. Les droits de l'homme? Oh, les droits de la femme? Oh, on s'en fout. Eh, ça paye. Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. On vit sur du temps emprunté, puis tôt ou tard, il va y avoir un réajustement qui risque de faire mal. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. L'économie doit être au service du reste des liens humains. Mais si on fait rien, c'est sûr que rien ne changera. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Bonjour à tous, ici David Lemelin et bienvenue à Éconophile. Il y a des députés qui se sont levés pour vrai pour voter contre les municipalités et pour les pétrolières et gazières. Pour vrai, là, c'est... Pas de blague, là, c'est... Rappel du dossier. Donc, le gouvernement Couillard a décidé d'ouvrir les lacs et les rivières du Québec aux projets d'exploration et d'exploitation de pétrole et de gaz. Les forages en milieu hydrique, mais aussi ceux en milieu terrestre, pourront d'ailleurs être réalisés avec des opérations de fracturation à proximité des secteurs habités, d'écoles, d'aires protégées et de parcs nationaux. Affaire de rien, hein, qui pourrait concerner des dizaines de cours d'eau de différentes régions qui pourront être ciblés par les entreprises pétrolières et gazières. Par exemple, l'entreprise Olitra détient 400 km² de permis au lac Saint-Jean, dont une partie recouvre déjà le lac. C'est-tu pas beau, ça? Et entre Montréal et Québec, il y a les permis en vigueur recouvrent plusieurs rivières, dont la Richelieu, la Saint-François, la Saint-Maurice, la Batiscan, la Sainte-Anne, la Chaudière. Hein? En Gaspésie, ce sont des dizaines de lacs et de rivières qui se retrouvent dans des territoires sous permis, par exemple avec les entreprises Petrolia, Junex. Pour obtenir une autorisation de forage en milieu hydrique, une entreprise devra en faire la demande au ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, responsable de l'application de la loi sur les hydrocarbures. Et la loi est vraiment sévère, là. Pour faire un forage par fracturation, l'entreprise devra notamment respecter une distance minimale de 175 mètres entre la tête du puits et une concentration d'activités résidentielles, commerciales, industrielles ou de services. Pour une résidence isolée, le règlement évoque une distance minimale de 150 mètres. C'est donc dire que les activités de l'industrie pourront se déployer très près de zones habitées. Le titulaire de l'autorisation ne peut positionner le site des activités à moins de 60 mètres d'un parc national ou d'une aire protégée. Et il faut 40 mètres entre la tête d'un puits et la voie navigable du fleuve Saint-Laurent. Oh, on est bien protégé. En fait, non, hein, c'est pas important. L'important, c'est le projet Haldimand de Petrolia en Gaspésie, projet qui a été rejeté par la ville de Gaspé et critiqué par plusieurs citoyens parce qu'il est situé à 350 mètres d'un secteur résidentiel. Les pétrolières vont même pouvoir injecter du gaz ou des produits chimiques pour faire remonter plus facilement le brut. C'est même tout le long, ce règlement-là. On veut réduire les risques, c'est pour ça les distances. On veut réduire les risques. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de prendre des risques? C'est fin, là, le gouvernement. Il a même limité la responsabilité des entreprises. On plafonne ça à 10 millions pour un projet sur Terre, 25 millions en milieu hydrique. Si ça avait été illimité, on se serait assuré que l'entreprise assume la totalité de la facture, hein, en cas de déversement. Mais ça, on veut pas ça. C'est mauvais pour la business. Il y a 300 municipalités qui demandaient une dérogation, en fait, pour accroître la distance de 500 mètres à 2 km. Mais non. C'est mauvais pour la business. Les municipalités qui veulent protéger leur approvisionnement en eau potable, ben on vote contre ça, là. Il y a la CAQ, le PLQ qui ont fait ça. C'est mauvais pour la business. Protéger les lacs, les rivières, les forêts, là, c'est pas important! T'sais, à part ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent, les ours, les canards puis les porcs-épics, hein? Rien, t'sais. Ils votent pas les porcs-épics, hein? Oubliez jamais ça. C'est vrai. Mais les moutons, ils votent, par exemple. en masse. Et c'est ça qui est le pire. Bienvenue à Iconophile. Retrouver sur les internets, les réseaux sociaux, sur le blog. On est là, allez aimer la page Facebook pour nous suivre sur facebook.com/Iconophile891. Et puis pour trouver le blog, deux façons, le bouton « En savoir davantage » sous le bandeau de notre page Facebook ou encore bien, vous allez sur iconophile.net et vous y arrivez directement. Iconophile.net pour lire des textes inspirés de nos discussions ou encore des livres que nous vous présentons. On va y placer les liens d'ailleurs utiles des articles dont on vous parle au cours de l'émission. Et puis vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section « Émissions », incluant bien sûr la saison dernière au complet. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour David. Ouais, encore cette semaine, grosse semaine. Sérieusement, côté actualité économique, on a été gâtés, entre guillemets, des guillemets gigantesques. Mais on va y aller avec le sujet d'abord cette semaine. Vaste sujet quand même, l'entrepreneuriat, pour faire dans le fond le point, parler du concept, de ce qu'on pense, de ce qu'on dit pas peut-être aussi, ce qu'on devrait dire. Oui, bien peut-être que ce serait peut-être le début d'une série, dans le fond, parce oui. que c'est un des acteurs principaux de l'économie. Dans le fond, on peut résumer l'économie à trois types d'acteurs. L'entrepreneur, celui qui possède l'entreprise, le consommateur, celui qui achète des produits, puis l'État qui essaye parfois, comme tu l'as montré dans ton éditorial, de faire la part des choses. Oui, avec plus ou moins de succès, ça dépend. Et pour parler de ça, d'ailleurs, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Étienne Saint-Jean, professeur de management à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est titulaire de la chaire de recherche sur la carrière entrepreneuriale, donc c'est le gars par excellence pour en parler. Et très intéressant, vous verrez, fluide, agréable à écouter. Et on va avec lui donc parler notamment des résultats de l'étude annuelle portant sur l'entrepreneuriat, la Global Entrepreneurship Monitor, le GEM, dont on va parler des résultats de l'enquête 2016. Et j'avoue que ça m'a étonné. On reviendra tantôt, mais moi, ça m'a étonné par rapport à mes propres perceptions. Et puis plus tard à l'émission, dans la portion actualité, on parlera de Bombardier qui se fait pousser un beau 220% dans la gorge. Le département américain du commerce qui impose des droits compensatoires préliminaires de 220% sur les C-Series. On va vous parler de ça. Et on reviendra bien sûr sur Netflix, comment faire autrement. On avait parlé de la taxe Netflix, alors la chose s'est confirmée, mais pire que ce qu'on imaginait, finalement. Donc, on va en parler. Mais le chiffre de la semaine, Jean-Claude, 1000 milliards, t'es oui, dans Tintin? Oui, c'est ça, 1000 milliards comme dans 1000 milliards de 1000 sabords de tonnerre de Bresse. Mais c'est pas ça qu'on va... Ça va être pas ça la réponse. OK, réponse donc en fin d'émission. Mais même vous allez fouiller sur Internet cette fois-là, ça vous donnera pas grand-chose. Mais d'ailleurs, je suis allé voir l'exposition Tintin avec mes garçons. Fantastique. Exactement. Je sais pas si t'étais allé. Oui, ouais. J'ai beaucoup aimé. Ça passe trop vite même. Au bout d'une heure et vingt, je dis « Ah, j'ai tout lu ». Bon, bref. Donc, Jean-Claude, on va donner la réponse en fin d'émission, mais pour l'instant, on va parler de notre sujet, l'entrepreneuriat, pour commencer. Parler de son rôle, hein, tu as commencé à glisser un peu quelques lignes, là, le rôle de l'entrepreneuriat en tant que tel. Oui, puis peut-être qu'on pourrait commencer par dire que dans la science économique, c'est curieusement, c'est une des choses à laquelle on s'intéressait le moins, on s'est intéressé tardivement. Un des premiers grands économistes, Karl Marx, qui effectivement, ça peut faire sourire, mais c'est un de ceux qui a le mieux compris le fonctionnement de l'économie très tôt, enfin avec une vision particulière. Pour lui, l'entrepreneur, c'est un parasite qui ne servait absolument à rien. C'est clair de même. C'est une façon de voir. Schumpeter, à peu près 50 ans plus tard, au début du 20e siècle, lui a une vision beaucoup plus positive. positive. Pour lui, c'était vraiment le personnage central, le personnage important. Puis moi, j'étais assez sympathique, assez favorable à la vision de Schumpeter, qui voyait l'entrepreneur, dans le fond, comme le chef d'orchestre. C'est celui qui permet d'assembler les morceaux ensemble. C'est beau d'avoir des ressources naturelles, c'est beau d'avoir une main-d'œuvre compétente, travaillante, c'est beau d'avoir des capitaux financiers, mais il faut que tu ramasses tout ça ensemble, il faut que tu fasses un projet avec tous ces facteurs de production, comme disent les économistes. Il faut que tu aies une vision aussi, il faut que tu aies une idée, il faut que tu prennes des risques. Et ça, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça, puis c'est pas tout le monde qui est capable de le faire de façon compétente. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Je dis pas qu'il n'y a pas d'entrepreneurs véreux ou condamnables. C'est comme dans toute chose, bien sûr. Il y a des politiciens corrompus, puis il y a des travailleurs paresseux, puis il y a des consommateurs prodigues, puis etc. Il y en a des bons et des mauvais entrepreneurs, mais il reste que c'est un métier très risqué, c'est un métier difficile, ça prend du courage, c'est un sport extrême, parce que faut que tu te dises que tu peux hypothéquer ta maison, puis tu peux la perdre la semaine suivante, parce que tu as fait confiance à un acheteur qui finalement n'était pas solvable, ou la réglementation a changé, ou les Chinois viennent te concurrencer sur ton terrain, ou alors Boeing te poursuit. Alors, toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. C'est un métier extrêmement dangereux, mais par contre, à mon avis, qui est essentiel, parce que ça permet de régénérer l'économie. C'est-à-dire, à un moment donné, la société évolue, les besoins nouveaux se créent, des nouvelles technologies apparaissent. Il faut que tu aies du monde qui soit capable de repérer les occasions de développer des nouvelles affaires, puis prendre le risque pour le faire. Ce qui fait que, d'ailleurs, je prends les notes que tu m'avais fournies par rapport à un texte que tu as produit qui s'intitule « Passer à l'acte ». On parle pas de meurtre, là, on parle vraiment de passer à l'acte entrepreneurial, ce qui explique aussi que ça va presque avec le fait que l'entreprise qui perdure, tant mieux, mais dans le jeu même de l'entrepreneuriat, c'est presque appelé à mourir. On réussit, on ferme, on ouvre, il y en ouvre un nouveau, il y a quelqu'un qui prend ta place, c'est sans cesse tout ça. Oui, ça ressemble un peu à Darwin, à la théorie de l'évolution des espèces de Darwin. Finalement. Les espèces se succèdent, il y a des gros qui mangent des petits, puis il y en a qui deviennent des dinosaures, qui deviennent incompétents, mal adaptés, qui sont remplacés. J'ai pas le chiffre en tête, ma mémoire fait défaut, là, mais il y a un très fort pourcentage, c'est de l'ordre de 95% des entreprises qui disparaissent en dedans de 5 ans. Fait que ça veut dire que ça prouve que c'est un métier dangereux, c'est-à-dire que tu te lances en affaires avec la meilleure bonne foi du monde, mais tu peux disparaître dans un délai de 5 ans. L'espérance de vie n'est pas énorme. Mais ceux qui réussissent, par contre, la récompense peut être extrêmement intéressante. On l'a vu dans des cas comme Steve Jobs, par exemple, qui est parti à Apple dans son sous-sol, je pense. Puis on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est la plus grande capitalisation boursière. Et je lisais mes notes, moi aussi, de mon livre paru il y a 2 ans, c'est que j'avais trouvé quelque part qu'il fallait être un peu fou. Mais fou, peut-être pas le bon terme, là, mais il se considère... Ah, mais ça prend un côté idéaliste, téméraire, un côté aventurier. Bien, on s'est rendu compte, entre autres, il y a des autres qui se sont rendus compte que ceux qui sont les plus... pour qui l'entrepreneur fonctionne le mieux, c'est des TDAH, du monde hyperactif, qui a un déficit d'attention. Puis eux, ils se tannent vite de voir ce qui se passe. Ils veulent passer à d'autres choses. Fait qu'ils sont beaucoup plus créatifs. Oui, ben oui. Puis, c'est ça. Puis les dyslexiques aussi. On a montré, par exemple, qu'il y a 3 fois plus de dyslexiques chez les entrepreneurs. Puis Henry Ford était dyslexique, Steve Jobs aussi. Puis là, on explique ça par le fait que les autres, connaissant leurs lacunes, bien, ils préfèrent déléguer. Fait qu'ils s'entourent de personnages, de subalternes compétents. Donc, peut-être pas être fou, là, j'exagère un petit peu, mais d'avoir certains problèmes, disons, ça peut aider à être entrepreneur. Disons que c'est intéressant. Ben, on pourrait dire, oh, c'est pas grave, en politique, ça prend des sourds ou des aveugles. Fait que... Très bien. Écoute, Jean-Claude, on va y aller tout de suite avec l'entrevue, la première partie de l'entrevue avec Étienne Saint-Jean, qui, je vous rappelle, est professeur de management à l'UQTR. Ici, on passe en revue les résultats de l'enquête 2016 du Global Entrepreneurship Monitor. Quand je veux dire les résultats du GEM, c'est ça, là. Il nous parle donc de la tendance entrepreneuriale au Québec. On parle des jeunes, des seniors et des femmes. Et je vous dis, les résultats sont quand même, en tout cas en ce qui me concerne, étonnants. Monsieur Saint-Jean, d'abord, résultat, c'est tout frais, résultat du GEM. Qui nous dit en gros, en fait, qui fait l'état des lieux, si on veut, de la question entrepreneuriale au Québec. Et il y a des indicateurs en croissance, qui est quand même absolument pas méchant. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous retenez de ça? Bien, ce qu'on constate de l'étude, c'est que l'entrepreneuriat au Québec se porte très bien. Si on regarde au niveau de l'activité entrepreneuriale en tant que telle, on remarque que le Québec fait figure de chef de file dans les pays développés. On est un peu derrière le reste du Canada, mais ça reste quand même même qu'on est dans le peloton de tête. Là. Alors, ça va très bien au niveau des entreprises qui sont démarrées au Québec actuellement. On voit aussi, bon, je sais qu'on s'intéresse aux différentes clientèles là, dans le sondage. On parle entre autres des jeunes chez qui on augmente aussi une bonne croissance. Oui, tout à fait. En fait, depuis les dernières années, ce qu'on constate, c'est que l'entrepreneuriat au Québec est particulièrement dynamique au niveau des jeunes. Alors que ce soit au niveau des 18-24 ans, par exemple, donc les plus jeunes, ben on est deuxième dans les pays, disons, développés, tout juste devant le reste du Canada. Donc, c'est quand même une assez bonne nouvelle à ce niveau-là. Au niveau des 25-34 ans, même chose, on est dans le peloton de tête, on est troisième, tout juste derrière, cette fois-ci, le reste du Canada. Alors, donc, pour la catégorie des plus jeunes, ça va relativement bien. Par contre, pour les un peu plus vieux, notamment les entrepreneurs seniors, soit ceux qui ont 55 ans jusqu'à 64 ans, alors là, on est vraiment à la queue de peloton. Là, on est 17e des pays développés, alors que le reste du Canada, lui, est au premier rang. Donc, on a peut-être un retard si on veut à rattraper au niveau de l'entrepreneuriat chez les seniors. Mais on remarque quand même, sauf erreur, vous disiez pour les seniors, qu'on a quand même, on note le courage là, de démarrer des entreprises, et ce qui est pas mauvais en soi, qu'il y a des considérations différentes, c'est-à-dire que souvent ils ont une plus grande stabilité ou à tout le moins moins de risques, je pense moins susceptibles de faire faillite. Oui, tout à fait. Alors, oui, parce que évidemment, quand les gens démarrent dépasser 55 ans, ben on peut se douter que la plupart du temps, ils ont accumulé des capitaux suffisants, ils ont eu le temps de mûrir leur idée, ils ont de l'expérience, ils ont des réseaux de contacts et ainsi de suite. Ce qui fait que généralement, les entreprises détenues par les seniors, donc sont plus rentables d'une certaine façon, ou en tout cas, à tout le moins, ils ont moins de risques de faire faillite. Alors, c'est un peu ce qui est triste parce que comme on voit qu'au Québec, il n'y en a presque pas qui démarrent des entreprises dans cette catégorie d'âge, alors que dans le reste du Canada, c'est les provinces voisines, donc ben c'est vraiment un boom incroyable. Donc ben c'est ça, c'est un peu triste de constater qu'au Québec, on fait un peu bande à part là, dans cette clientèle-là. Comment on l'explique, ça, cette distinction-là? Parce que pour le reste, les indicateurs dont vous me parlez depuis tantôt, on est premier ou deuxième, on suit le Canada, tout va très bien. Pourquoi là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une excellente question. En fait, le rapport du Global Entrepreneurship Monitor là, qu'on fait à chaque année donne un portrait de la situation de l'activité entrepreneuriale, mais c'est très, très difficile de voir les causes de ces situations-là. Fait qu'on a quelques hypothèses là qu'on discute, là, mon collègue et moi, quand on produit le rapport, mais on n'a pas la preuve que ces hypothèses-là sont bonnes. Là, il faut creuser davantage pour être capable d'expliquer ça. Mais une des hypothèses qu'on pense, c'est que au moment où les baby boomers, essentiellement, là, qui ont cristallisé leur choix de carrière, ben donc ils étaient au tournant de la vingtaine, ben on peut penser qu'à l'époque, au Québec, il y avait beaucoup moins d'engouement pour l'entrepreneuriat, puis que c'était beaucoup moins valorisé de devenir un entrepreneur, ce qui fait qu'ils n'ont pas décidé à ce moment-là là, que l'entrepreneuriat pouvait être une bonne option pour eux, et ils ont fini, donc plus tard, là, ben, ils n'ont jamais eu ce réflexe-là de vouloir aller en entrepreneuriat, alors qu'on constate là, qu'il y a plusieurs entrepreneurs seniors qu'on va qualifier de refoulés, là, c'est-à-dire qu'au tournant de la vingtaine, ils avaient le goût d'entreprendre, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils se sont trouvés un emploi, ils ont acheté une maison, ils ont eu des enfants et ainsi de suite, puis ils ne voulaient pas risquer ça au début de leur vie. Et donc, ils ont reporté. Et là, au tournant de la cinquantaine, ben là, ils se sont dit, c'est maintenant ou jamais, je suis plus vers la fin de ma carrière. Donc, si je veux faire le saut, je dois le faire là. Alors, ces entrepreneurs refoulés-là, peut-être qu'il y en a davantage dans le reste du Canada puis dans les autres pays développés, du fait que c'était peut-être plus valorisé dans ces territoires-là à l'époque que ça l'était au Québec. Oui, peut-être que historiquement aussi, c'était une époque où on pouvait embaucher beaucoup, notamment à l'État, tandis qu'aujourd'hui, on a l'impression que le message est davantage « crée ton emploi ». Absolument, absolument. À l'époque, effectivement, l'État avait été davantage généreux, si on veut, au niveau des emplois de qualité. Alors, sans doute qu'effectivement, ça a dû jouer. Là. Qu'en est-il des femmes? C'est aussi une clientèle qu'il faut évaluer. Oui, absolument. En fait, au niveau international, on a constaté là, qu'il y avait une augmentation du nombre de femmes qui démarraient des projets d'affaires. Ça reste relativement moins fort dans les pays développés. Et donc, on a vérifié au Québec quelle était la situation. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au niveau des hommes, en tant que tels, ça va très bien. On est tout juste derrière le reste du Canada. On est deuxième, en fait, au niveau de l'activité entrepreneuriale émergente des hommes. Par contre, au niveau des femmes, on se situe au cinquième rang, alors que le reste du Canada, lui, est au premier rang également. Donc, un recul, si on veut, ou du moins une moins grande ampleur de l'entrepreneuriat féminin au Québec comparativement à l'activité entrepreneuriale des hommes. Et donc, on a essayé de creuser qu'est-ce qui pouvait causer cette situation-là, parce que essayer de voir si sur d'autres indicateurs, là, il y avait des éléments qui nous permettent d'avoir une explication sur le fait que les femmes démarrent moins des projets que les hommes. Et puis, on s'est rendu compte, par exemple, que les hommes et les femmes voyaient autant d'opportunités dans leur région pour démarrer des projets. Fait qu'on s'est dit, ben, c'est sans doute pas la cause. Ouais. Les deux également se voient des opportunités. Au niveau de la peur de l'échec, même chose, les hommes et les femmes, ils ont à peu près autant peur de l'échec. Le fait de connaître un entrepreneur dans son entourage, souvent qui a pour effet de démystifier l'entrepreneuriat, c'est à peu près semblable, les hommes et les femmes. Par contre, au niveau des compétences perçues, c'est-à-dire comment les hommes ou les femmes se perçoivent comme étant compétents pour démarrer des entreprises, là, il y a un écart vraiment important entre les hommes et les femmes. On parle de 24 points d'écart. Donc, les femmes se perçoivent beaucoup moins compétentes que les hommes pour démarrer des projets d'affaires. Et ce qui est un peu surprenant aussi, c'est que l'écart entre les femmes du Québec et du reste du Canada est aussi très, très, très important. Fait que c'est pas juste un écart, disons, entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi le fait que les femmes du Québec en particulier, si on les compare avec les femmes du reste du Canada, elles ont moins confiance en leurs moyens là, pour démarrer des entreprises. Mais qu'en est-il de, disons, je sais que vous dites que, bon, dans le fond, il y a une attitude positive à l'égard de l'entrepreneuriat, donc vous diriez que le Québec en tant que tel est quand même un terreau fertile. Tout à fait. On a plusieurs indicateurs, en fait, pour voir si au Québec ou dans n'importe quel territoire, là, si c'est une carrière, par exemple, qui est valorisée. Alors, on pose la question aux gens si ils estiment que c'est une carrière désirable de devenir entrepreneur dans leur région. Puis on constate, par exemple, que le Québec, bien, c'est l'endroit là, dans le monde là, où c'est le plus considéré comme étant désirable de devenir entrepreneur. On dépasse, évidemment, tous les autres pays, mais notamment le reste du Canada, qui se situe à peu près à la médiane des pays, là, donc peut-être au 10e, 11e rang là, à peu près, alors que le Québec, premier rang. Donc, et c'est stable année après année, là, cette composante-là là, de la culture entrepreneuriale, si on veut. Là, donc, on est toujours au premier rang année après année. Là. Est-ce que ça, on l'explique? Est-ce qu'il y a des hypothèses là-dessus aussi? Ben nous, on a commencé à faire l'étude au Québec à partir de 2013, puis l'intuition qu'on a, c'est le fait, je pense, que dans la culture populaire, c'est devenu cool, si on veut, de devenir entrepreneur. On a vu, par exemple, l'arrivée des émissions populaires du genre Dans l'œil du dragon, là, qui viennent présenter, disons, une réalité peut-être plus ou moins conforme à ce qui se passe réellement sur le terrain, mais néanmoins, qui amène des discussions là, dans les familles sur « Hey, as-tu vu tel produit? » Vu telle chose qu'ils ont lancé au dragon. Alors, ouais. C'est comme si ça amenait dans la culture populaire le fait que c'est cool de démarrer des produits, d'avoir des bonnes idées, de vouloir essayer de le lancer au dragon, par exemple. Et donc, ben, ça devient un peu valorisé, là, d'une certaine façon, l'entrepreneuriat au Québec. Oui, et médiatiquement parlant aussi, on le sait, il y a beaucoup d'endroits, dans les régions notamment, où on va parler du besoin d'avoir des entrepreneurs, des entreprises locales. Donc, il y a un peu partout, finalement, cette espèce de culture-là qui se répand, là. Absolument. En fait, le Québec est un territoire très vaste et composé essentiellement de régions où il y a justement un fort besoin d'avoir des emplois de qualité. Et donc, parce qu'on veut pas évidemment que la population s'exile et aille vivre en ville. Donc, le fait d'avoir des gens qui sont en région, qui créent minimalement leur emploi ou qui, encore mieux, vont créer des emplois de qualité pour les concitoyens de la localité, ben ça, c'est fantastique. Alors, ça explique justement le fait qu'on veut autant d'entrepreneurs, notamment dans les régions du Québec. Alors, Jean-Claude, le prof Saint-Jean dit beaucoup de choses intéressantes, n'est-ce pas? Entre autres, moi, j'avoue que même l'aspect très positif de la chose m'a étonné. Ça m'a étonné, moi aussi, parce que l'article que j'avais écrit l'an dernier pour un petit livre, là, puis que je t'ai fait parvenir, oui. C'était quand même plus pessimiste, disons, que ça. On constatait beaucoup de lacunes. Puis là, il semble qu'il y a comme une espèce de point tournant qui a été franchi. Si on se fie, en tout cas, à l'enquête GEM de 2016, là, il semble que quasiment tous les indicateurs, peut-être pas tous, là, mais presque tous, sont au feu vert. C'est-à-dire qu'on semble sur le point d'exploser au niveau de l'entrepreneuriat au Québec. Ce qui est, comme je mentionnais dans l'entrée de jeu, pour moi, l'entrepreneur est, est une variable importante dans l'économie et je pense que c'est très encourageant que d'entendre ça. Peut-être une petite blague, si je peux me permettre. Oui. Monsieur Saint-Jean a fait référence, puis il a tout à fait raison au fait que la culture face à l'entrepreneur a beaucoup changé au Québec, notamment grâce à des émissions comme Les Dragons. Oui. Il faut se rappeler que Les Dragons, c'est une copie de The Apprentice qui a été lancée aux États-Unis par M. Trump et qui lui a permis, en tout cas, j'ai pilote ça pas produit devant. Des clowns, ça produit des clowns. C'est un autre sujet. Peut-être pour atténuer un petit peu l'optimisme, l'euphorie peut-être qui se dégage de l'enquête GEM, c'est qu'il reste que les... d'abord, il y a certaines lacunes. La même étude, M. Saint-Jean, je pense qu'on n'a pas parlé dans les quelques minutes, mais l'entrepreneuriat au Québec se lance beaucoup dans des choses pas très avancées au plan technologique. Là. Mm-hmm. Ils n'ont pas trop détaillé dans leur étude. C'est probablement qu'on se lance plus dans des choses plus conventionnelles. Peut-être le commerce, des choses comme ça. C'est pas mauvais en soi, c'est de l'entrepreneuriat, mais ça resterait préférable si on se lançait plus dans des secteurs à plus fort contenu là, de technologie. Oui, c'est un moyen d'assurer l'avenir parce que je sais que ça fait partie des défis, notamment en région. Écoute, à Rivière-du-Loup, je peux te dire que ça en parle. Le virage technologique nécessaire pour faire en sorte de permettre aux entreprises d'aujourd'hui de survivre, ne serait-ce que dans 5 ans. Là. C'est ça, mais il reste que c'est plus difficile de se lancer dans quelque chose au niveau de l'électronique, supposons, ou de la biotechnologie, que d'ouvrir un commerce, là, commerce de gros, ou de se lancer dans la construction, quelque chose de même. Une fois, c'est nécessaire, les entreprises de construction, mais c'est moins avancé, si tu veux, que différents autres domaines de haute technologie. C'est... Peut-être l'autre élément aussi, qui est, l'étude, j'aime, n'en parle pas, mais dans mon travail de l'an passé, l'article que j'avais produit, j'avais regardé la création effective d'emplois, et ça m'avait frappé, mais ça, peut-être la situation s'est améliorée aussi dans ce sujet-là, mais disons que jusqu'en 2013, on constatait qu'il y avait un déclin du démarrage effectif d'entreprises, tant au Québec qu'au Canada. En Ontario, c'est-à-dire. Donc, depuis à peu près une dizaine d'années, curieusement, les gens sont de plus en plus formés. Et dans le cas du Québec, ils sont de plus en plus favorables à l'entrepreneuriat. Mais curieusement, on se lance de moins en moins en affaires concrètement. C'est comme si ça restait au niveau des vœux pieux. On dit, ouais, ce serait le fun de partir ma business. J'aimerais bien ça. Mais finalement, parce qu'on vient d'avoir un diplôme en administration ou en génie, ben on se dit, ouais, ben dans le fond, on va prendre un job, je sais pas, moi, chez IBM ou chez au gouvernement, puis dans le fond, je vais avoir la vie tranquille, je vais être payé 70 000 $ par année en commençant. Plus donc, moi, c'est M. Saint-Jean n'a pas parlé, mais moi, il me semble que j'étais à sa place, j'essaierais de tester cette hypothèse-là. Est-ce que finalement, le fait que la population soit plus éduquée, est-ce que ça joue pas un petit peu contre l'entrepreneuriat? Parce qu'il reste que les économistes appellent ça le coût d'option, le coût d'opportunité, c'est-à-dire tu peux plus perdre. C'est-à-dire, si tu mets en balance une carrière d'entrepreneur qui peut se terminer en dedans de 5 ans, ou un job steady puis un bon boss comme ça, Yvon Deschamps, qui commence à 60 000, disons, puis que tu vas avoir 100 000 dans 10 ans, bien peut-être que tu dis, ouais, dans le fond, ce sera le fun d'être entrepreneur, mais je risquerai pas, là, je vais plutôt opter pour un job steady puis un bon boss. Donc, ça peut peut-être expliquer cette espèce de paradoxe que on est plus favorable, mais on passe pas à l'acte. C'était ça le sens là, du titre de l'article en question. Oui, parce que peut-être, juste en terminant ce volet-là, parler quand même des embûches, parce qu'il y en a, on le sait, il y a quand même dans le portrait, même si on dit, bon, on est plus entrepreneur, on va dire ça comme ça, l'esprit est peut-être changé, mais il reste des embûches, puis on l'entend même de la part du milieu entrepreneurial. Et c'est drôle, hein, ça vient beaucoup, problème fiscalité, paperasse, bureaucratie, il y a des embûches qui feront probablement en sorte qu'il y a des gens aussi qui réfléchissent dans leur calcul en disant, ouais, est-ce que je me lance là-dedans? Est-ce que vraiment c'est invitant? Si bien que je sais que le gouvernement fait des efforts pour essayer de convaincre les gens de faire le saut. Moi, je connais beaucoup ce dossier-là parce que j'ai travaillé pendant 11 ans en allègement réglementaire et je pense que ce que dit l'entreprise, c'est un peu exagéré. Mm-hmm. En tout cas, ça s'est beaucoup amélioré au Québec. C'est moins pire qu'ailleurs, je dirais, dans bien des cas. Mais je pense, de toute façon, c'est le propre de peu importe l'acteur économique, qu'il soit consommateur qui va toujours trouver que les produits sont trop chers, ou l'entrepreneur qui va toujours trouver qu'il y a trop de paperasse et de fiscalité, on n'est jamais content de notre sort. Mais moi, je pense que la situation est loin d'être si terrible que ça. D'ailleurs, le prof Saint-Jean disait ça. Je disais, est-ce que vous avez évalué ce facteur-là par rapport aux commentaires négatifs? Il dit, ben écoutez, on n'a pas demandé aux gens, trouvez-vous que vous êtes trop taxés? C'est sûr que la réponse va être oui. Ben oui. Voilà, ça dit tout. Une évidence. Alors, c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. David Lemelin au micro, en compagnie de l'économiste Jean-Claude Cloutier. On parle de l'entrepreneuriat, de la culture entrepreneuriale qui est très forte, finalement, au Québec. On a parlé des embûches quand même, des perceptions. Donc, ici, deuxième et dernière partie de l'entrevue avec Étienne Saint-Jean, professeur à l'UQTR, expert des questions entrepreneuriales. Et ici, on parle du travail, justement, qu'il reste à faire. Je présume qu'on cite quand même où on voit des embûches à l'horizon. Moi, d'instinct, je penserais tout de suite, on parle tout le temps de la paperasse, bureaucratie et autres. Qu'en est-il des embûches qu'on peut pointer du doigt? On n'a pas vraiment, notre rapport ne se tourne pas vraiment sur les embûches. Je sais qu'il y a d'autres, travaux là. Je pense à d'autres études là, qui année après année viennent dire que les entrepreneurs trouvent qu'il y a trop de taxes, trop de paperasse, et ainsi de suite. L'enquête qu'on mène focalise pas sur ce genre de trucs là, parce que évidemment quand on demande à un entrepreneur est-ce qu'il y a trop de taxes, ben ils vont toujours vous répondre oui, parce que donc on trouve que ça vaut pas tellement la peine de leur poser la question parce qu'on sait déjà la réponse qu'ils vont donner. On focalise moins sur ce genre de trucs-là, en particulier en ne le demandant pas justement aux entrepreneurs qu'est-ce qui devrait être fait à ce niveau-là. Alors, on s'est tourné par contre sur les experts en tant que tels pour voir ce que les experts pensaient des conditions cadres là, pour améliorer l'entrepreneuriat au Québec. Je dirais que ça va relativement bien du côté des experts. Ils estiment que le Québec est quand même assez bien équipé là, pour appuyer les entrepreneurs. Il y avait peut-être au niveau des politiques gouvernementales et aussi de l'enseignement en tant que tel, la formation en entrepreneuriat qui faisait un peu plus défaut là, qui pourrait être améliorée. Mais pour le reste, les experts étaient relativement positifs, disons, là, sur les conditions cadres en entrepreneuriat au Québec. Et vous-même, de ce que vous percevez, vous sentez, vous savez, qu'est-ce que vous diriez là-dessus sur les choses qu'on peut travailler au cours des prochaines années pour améliorer encore la situation, ce serait quoi? Ben, si on regarde en particulier, si on combine par exemple les suggestions des experts de travailler notamment sur la formation puis l'éducation entrepreneuriale et qu'on voit aussi le manque de sentiment de compétence des femmes entrepreneurs, moi je dirais que c'est un élément fondamental parce que en fait on constate année après année là, dans différentes études que les femmes se font moins confiance que les hommes pour devenir entrepreneurs. Il n'y a pas de raison à ça. Là. On constate les femmes vont de plus en plus à l'école, sont à l'université, sont bonnes, ils réussissent. Et là, quand on leur demande s'ils se sentent bonnes pour devenir entrepreneurs, ben ils répondent que non. Alors qu'il n'y a aucune raison que concrètement elles se pensent moins bonnes que les hommes. Alors c'est sans doute lié, tu sais, à la culture populaire, le fait que souvent on parle d'un entrepreneur, on va penser à un homme. Souvent c'est associé à des qualités masculines, de compétitivité, de un peu plus d'agressivité si on veut, de vouloir gagner sur les marchés, puis ainsi de suite. Alors peut-être que les femmes se retrouvent un peu moins dans ce genre de vocabulaire-là, ou peut-être qu'il y a certains préjugés qu'il faut défaire là, pour leur donner confiance en leurs moyens, notamment. Là. Encore que l'entrepreneuriat ne se résume pas à justement un homme d'affaires qui crée une boîte, je ne sais pas moi, qui produit des trucs en métal. C'est un peu cliché. L'entrepreneuriat prend toutes sortes de formes, donc on peut trouver chaussure à son pied. Là. Ah, tout à fait, tout à fait. Et non seulement ça, je dirais qu'il y a même de plus en plus de femmes qui sont dans les domaines des sciences, technologies, instituts, puis qui pourraient très bien démarrer des entreprises dans ces domaines-là, mais justement, le fait qu'elles ne se perçoivent pas comme étant compétentes, ben au lieu d'avoir le réflexe de dire, avec toutes les idées puis la créativité qu'elles pourraient avoir, au lieu d'avoir le réflexe de dire, ben je vais démarrer ma boîte, ben elles vont mettre à jour leur CV, puis on va aller porter leur CV à des employeurs potentiels. Alors ça, c'est un peu triste, parce que dans le fond, les femmes pourraient autant que les hommes faire le saut vers l'entrepreneuriat à cet égard-là. Fait que le fait peut-être justement de travailler au niveau de la formation, au niveau de la valorisation des femmes au niveau des compétences entrepreneuriales à différents niveaux pourrait peut-être à moyen ou même à plus court terme là, avoir un effet sur ce sentiment de compétence-là puis les amener à passer à l'action. Là. Encore des choses intéressantes, Jean-Claude, qu'on vient d'entendre. C'est vrai, en même temps, qu'on a l'image probablement d'instinct de l'entrepreneur qui est un gars, qui a une business très gars. Et l'entrepreneuriat, ça a toutes sortes de formes sociales, communautaires. Il y en a plein, là. Bien, c'est-à-dire que j'ai déjà entendu souvent, moi, qu'on disait que c'est vrai que l'entrepreneuriat est relativement récent au Québec. Mais avant, les Québécois étaient très entrepreneurs, mais c'était dans des communautés religieuses. Notamment, il y avait des femmes qui dirigeaient de façon de main de maître ou de maîtresse, si tu veux, les communautés religieuses. Donc, moi, peut-être réagir à ça, c'est vrai que si à cause de l'expansion possible dans l'entrepreneuriat au Québec, c'est sûrement du côté des femmes, parce que M. Saint-Jean l'a bien expliqué, là, il y a encore un bon décalage par rapport aux hommes. Mais moi, je pense que c'est qu'une question de temps, parce qu'il faut quand même se rappeler que les femmes ont participé au marché du travail de façon beaucoup plus récente que les hommes, mais elles ont fait un rattrapage extraordinaire depuis une 15 ou 20 ans. Et probablement, c'est rien qu'une question de temps, de quelques années encore, et elles pourraient rejoindre les hommes au niveau de l'entrepreneuriat. Mais ça pose une autre question, puis il ne faudra pas s'embarquer là-dedans cet après-midi, à savoir, est-ce qu'il y a vraiment des différences entre les hommes et les femmes? C'est une question qui est extrêmement délicate, puis que on risque d'encourir le courroux des féministes si on embarque là-dedans. Ben en même temps, tu sais, je sais que, et d'ailleurs, ça fait partie des notes quand dans ton segment Que faire, tu sais, le gouvernement devrait réendosser la stratégie de l'entrepreneuriat de 2011 écrit dessus. Il y a effectivement des efforts, notamment pour les femmes. Secrétariat à la condition féminine pose des gestes concrets pour essayer d'atteindre ces clientèles-là, pour les convaincre de la faisabilité de la chose. Ça veut dire qu'il y a quand même une partie gouvernementale indéniable dans ce sujet-là. Oui, il y a un programme, j'oublie le nom du programme, il y a un programme qui est destiné explicitement à regrouper les femmes qui sont déjà en affaires, puis à servir d'elles, si on peut dire, là, les amener à témoigner de leur réussite auprès des femmes qui pourraient éventuellement se lancer en entreprise. Oui. Mais je pense que les modèles de succès féminin aussi vont tôt ou tard porter fruit. Là, prenons un exemple comme Christiane Germain, qui au niveau hôtelier, là, qui est une grande réussite, qu'on voit quand même assez souvent dans les médias. Prenons un autre exemple. Prenons Sophie Brochu, par exemple, au niveau PDG de Gaz Métro. Il va en avoir de plus en plus de ces femmes-là, puis ça va montrer une espèce de modèle, finalement, à imiter aux jeunes femmes qui sont devant un choix de carrière. Effectivement. Mais il y a quand même, donc, même de manière générale, de ce que je comprends, une importance dans les relations publiques, dans la promotion, dans l'aspect passé par les médias, notamment, pour convaincre les jeunes y compris que la carrière entrepreneuriale en est une sérieuse. Ben, ce que me dit M. Saint-Jean, puis moi, ça m'encourage beaucoup, c'est que je pense qu'on a quand même atteint un niveau intéressant à cet égard-là. C'est-à-dire qu'on a, tantôt, il citait des émissions de télévision comme Les Dragons. Oui. Mais depuis un certain nombre d'années, on a de plus en plus, autant dans les médias que sur la place publique, des exemples à l'effet que l'entrepreneuriat, ça peut être une carrière intéressante, valorisante, puis même utile à la société. Donc, je pense qu'on a atteint un point tournant. Moi, en tout cas, je peux dire que la situation est très différente de ce qu'elle était il y a, disons, 25 ou 30 ans, où c'était très peu. C'était un peu l'approche de Karl Marx, dans le fond. C'est qu'être chef d'entreprise, là, c'est pas bien valorisé. Mais il y a quand même des éléments aussi, des pistes, comme les institutions d'enseignement, c'est-à-dire faire un maillage plus intéressant entre les besoins et la formation. Ça fait partie des choses qu'on sait qui peuvent être utiles. Moi, à ma grande surprise, l'an passé, quand j'ai fait mon article, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui se faisaient déjà. Oui. Il y a d'ailleurs une école d'entrepreneuriat en Beauce qui est assez réputé, mais également au niveau des écoles secondaires, peut-être le cégep également, il y a des programmes, il y a des activités qui tournent autour. Je pense qu'il y a déjà un certain travail qui se fait à ce niveau-là. Et comme je mentionnais un peu tantôt, je pense qu'il y a des choses qui prennent du temps à produire des résultats concrets, mais je pense qu'on est en train de récolter présentement des travaux et des initiatives d'un peu partout dans la société, par le gouvernement, par les médias, par les écoles, et des bons exemples aussi. Le Québec Inc., par exemple, c'est un bon exemple, On commence à récolter les fruits de ça, puis l'étude de GEM, là, 2016, montre ça, dans le fond, c'est comme ça commence à aller bien là, au niveau entrepreneuriat au Québec. Puis enfin, il y a les immigrants aussi. Hein. Les immigrants qui ont souvent d'ailleurs une culture entrepreneuriale assez forte, qui peuvent être un atout. Bien, j'avais des chiffres là-dessus, effectivement. Ils sont à peu près, au niveau des intentions, là, sont à peu près deux fois, en tout cas un bon 50% plus intéressant à entreprendre que les Québécois de souche. Par contre, pour eux aussi, ça ne se traduit pas encore là, concrètement. On trouve peu, en tout cas relativement peu, par rapport à leur population, par rapport à leur présence dans la population, d'immigrants au niveau des dirigeants d'entreprise. Il y en a, évidemment, on en connaît quelques-uns, mais ils pourraient être plus nombreux que ça. Puis enfin, il y a les seniors, on en a parlé un peu. Ça veut dire qu'il y aurait quand même, s'il y a des efforts qui sont faits dans le milieu scolaire, dans au niveau des cégeps et universités pour faire la promotion de la carrière entrepreneuriale, s'il y a des efforts qui sont faits du côté de la clientèle féminine, il y a les seniors quand même, parce qu'ils sont une clientèle importante, intéressante, et qui, quand ils le font bien, mais hésitent encore. Bien, dans ton entrevue avec M. Saint-Jean, ça a été mentionné. Je pense peut-être qu'ils ont plus à perdre parce qu'ils sont en fin de carrière. Oui. Puis bon, s'ils n'auront pas bien de chance de se rattraper si jamais ça ne marche pas dans leur cas. Mais par contre, effectivement, ils peuvent apporter une grande expérience. C'est-à-dire les seniors, puis moi, ça fait longtemps que j'ai passé ce cap-là, mais ils ont vu des choses, puis ils ont une certaine sagesse, une certaine expérience qui peut être utile. Moi, je serais porté à croire que les seniors ont moins de chances de se planter, c'est-à-dire d'avoir un échec en dents de 5 ans, que c'est le cas d'un jeune là, qui arrive tout feu, tout flamme, mais qui, dans le fond, il sous-estime certains problèmes, certains risques. Mais c'est ce qu'il disait, d'ailleurs, confirmé en disant que les seniors, effectivement, ont tendance, il y a moins de faillites à l'horizon, effectivement, compte tenu de l'expérience et des capitaux dont ils disposent. Exactement. Merci, Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, poursuivons parce que honnêtement, l'actualité est riche. Alors, aussi bien, je prendrais peut-être ma gorgée là pendant que je vais lire les nouvelles. Ça va te permettre de juste mettre en contexte. Effectivement, Bombardier, grosse nouvelle, ça a fait la manchette toute la semaine. Le géant américain Boeing a décidé de se plaindre au département du commerce en alléguant que Bombardier a obtenu des subventions indues, ce qui aurait permis à l'avionneur de décrocher une importante commande de 75 CS-100 auprès de Delta Airlines en offrant des prix dérisoires, hein, dit le rebondissant Boeing. L'administration Trump devrait annoncer la semaine prochaine, dit-on, de quelle façon elle répondra à la demande de Boeing d'imposer un droit anti-dumping de près de 80%. Toutes des choses dont on a parlé quand même dans les semaines précédentes. En attendant, le département américain du commerce n'a pas niaisé. Hein, il impose des droits compensatoires préliminaires, on va faire les nuances là-dessus, d'environ 220% sur les C-Series, un produit de Bombardier, hein, of course. Quelle affaire, hein? Oui, c'est choquant. Je pense que ça a beaucoup bouleversé l'opinion publique au Canada. Même M. Couillard en a perdu son flingue habituel. Oh oui. Puis, fier en tabarnouche. Il est parti en guerre contre les États-Unis. On se sent un peu comme David et Goliath. On se dit, ouais, mais est-ce qu'on va réussir à les infléchir? C'est intéressant parce que ça a soulevé toutes sortes de questions, d'hypothèses. Parce qu'on se dit, ouais, mais Boeing, pourquoi ils font ça? Ils sont même pas dans ce marché-là. Ils sont même pas dans le marché des avions. De 100 à 120 ou 130 places, mais certains disent « Ouais, mais c'est parce qu'ils ont peur que Bombardier, dans quelques années, allonge sa série C, puis que ce soit justement un compétiteur à ce moment-là. Mmh. » Fait qu'on les gens ne savent pas trop pourquoi. L'autre hypothèse que j'ai entendue qui, moi, me semble assez plausible, c'est que ça fait partie un peu de la stratégie de négociation des États-Unis dans l'ALENA, ouais. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment créer un choc, c'est-à-dire qu'ils veulent déstabiliser les partenaires. Dans ce cas-ci, c'est le Canada, créer un traumatisme qui va faire en sorte, puis là, on le voit un petit peu, là, présentement, les gens disent, mais pourquoi le gouvernement fédéral ne réagit pas plus que ça? Bien, c'est parce qu'ils disent, ils veulent pas trop indisposer l'administration Trump, en fait, Trump lui-même, mais également son ministre du commerce, puis son négociateur à l'ALENA. Donc, c'est peut-être aussi une stratégie, puis évidemment, peut-être que Boeing veut, dans ce contexte-là, plaire, se rallier un peu à la philosophie de M. Trump, puis avoir une attitude agressive, une attitude en anglais, je ne me souviens pas du terme, mais on pourrait traduire ça par déloyal, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas illégal, on a le droit de demander des droits compensateurs, mais c'est unfair en anglais, c'est une compétition déloyale finalement. C'est utiliser ton pouvoir de marché. Les États-Unis, c'est 10 fois plus gros que le Canada, puis Boeing, c'est peut-être 20 fois plus gros que Bombardier. C'est utiliser une position dominante, dans le fond, pour écraser un adversaire qui en réalité, n'est pas si menaçant que ça. En fait, c'est l'opinion d'Ariane Kroll. J'en lis juste un petit segment là, de son texte paru dans la presse qui dit « Personne n'est dupe. Boeing, l'enjeu de la plainte de Boeing devant le département du commerce américain n'est pas le contrat de Delta, mais l'élimination de la C-Series du marché. Elle est là, la véritable manœuvre anticoncurrentielle, et elle ne sert en rien les intérêts des États-Unis. » Unis. Effectivement, quand ça revient aussi à ce qu'on disait par rapport aux trucs qui sont faits d'un côté et de l'autre de la frontière, il y a une intégration plus grande qu'on voudrait le dire. Elle dit, est-ce que c'est une conséquence du climat protectionniste instauré par l'administration Trump? Peut-être. Sauf que cette plainte n'est pas un exemple de l'Amérique d'abord, mais d'une multinationale qui tente de faire passer ses intérêts avant d'autres intérêts américains, avant les intérêts de Delta qu'on essaie de priver du seul modèle d'avion répondant à ses besoins. Oui, effectivement, mais moi, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai vraiment pensé que tu parlais d'un choc. C'est une manière de dire au Canada, on est très sérieux quand on vous parle de ça du côté de l'ALENA. Pensez pas qu'on fait des blagues. C'est comme ça que je l'ai vu, moi. Moi aussi, moi, ça m'a beaucoup préoccupé, puis ça m'a inquiété, puis j'étais pas, on l'a dit même dans notre première émission cette année, quant à moi, j'étais pas trop préoccupé par l'ALENA, mais là, je le suis un peu plus, parce que je pense que les États-Unis sont prêts à se lancer dans ce qu'on appelle ça trade war en anglais, une guerre commerciale, c'est-à-dire revenir au climat des années 30. Dans le fond, c'est comme si les mêmes causes produisaient les mêmes effets. Le climat de guerre commercial des États-Unis dans les années 30, dans le fond, faisait suite à la crise économique de 29-30, au début des années 30. Là, c'est un peu la même situation, l'espèce de réajustement de l'économie mondiale qu'on connaît depuis 2007-2008. On a l'impression que ça réussit pas à redécoller dans les pays développés. C'est peut-être ça, dans le fond, qui conduit au protectionnisme, puis éventuellement une guerre commerciale. Puis ça, l'expérience a démontré que les guerres commerciales, c'est pas payant pour tout le monde. En tout cas, sûrement pas payant pour les consommateurs, parce que ça veut dire que tous les produits deviennent plus coûteux qu'avant, puis moins diversifiés, puis etc., etc. Non, ça fait des bonnes lignes politiques, mais dans les faits, ça se traduit pas comme ça. Juste avant de passer à Netflix, peut-être juste en conclusion, on parle aussi, bon, maintenant, il y a des instances, c'est-à-dire Boeing peut bien montrer des dents. Il y a un processus, et ce qu'on dit, malheureusement, c'est que dans le temps, c'est Bombardier qui risque d'être perdant, parce que plus ça étire, ben, pendant ce temps-là, Bombardier est fragilisé. Les mois qui passent, c'est pas bon. Ben, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que certains commentateurs disaient à juste titre que Bombardier pourrait se retrouver dans quelques mois à demander à nouveau l'aide des gouvernements, ouais. De sorte que là, Boeing... On va juste donner un milliard. Boeing va dire, je vais l'avoir bien dit, là, ils dépendent toujours de l'aide financière des gouvernements. Mais par contre, ne dramatisons pas, il reste que la filière aéronautique de Montréal, du Québec, ne disparaîtra pas du jour au lendemain, ouais. Parce que Bombardier ne vend pas juste de la série C, il vend d'autres produits, mais également à Montréal, il y a plein d'autres fournisseurs, comme Pratt & Whitney, United Technologies, il y a comme Bell Hélicoptère, il y a Hérou Devtek, il y en a plein là, d'entreprises qui gravitent autour, qui vont continuer de vendre leurs produits à Boeing, entre autres, mais également à Bombardier, puis à Embraer, puis etc. D'ailleurs, on a sorti ça aussi. On dit, malgré les menaces d'Ottawa de couper les ponts avec Boeing, le gouvernement canadien s'est déjà engagé à verser au moins 2,9 milliards de dollars en entreprise américaine au cours des 20 prochaines années en raison de plusieurs contrats déjà signés. Fait qu'autrement dit, on peut bien dire en retour, on n'achètera plus un boulon, puis ça va s'arrêter ici. C'est pas tout à fait comme non, ça que ça se passe. Non, c'est plus compliqué que ça. Effectivement. Merci pour ce segment. Maintenant, autre nouvelle qui a vraiment fait jaser. Pas de taxe Netflix, c'est ce qu'on avait dit à l'émission. C'est ce que laissaient entendre les différents journaux et les contacts qu'avaient obtenus les différents journalistes. Et ça s'est avéré. Donc, c'est le géant, une entreprise qui dicte sa loi au gouvernement. Et en contrepartie, ben, le gouvernement pond une politique culturelle qui répond pas aux problèmes de fond, là. Non, c'est très étonnant, effectivement. Comme on avait dit la semaine passée, on comprend pas. C'est difficile à comprendre pourquoi... c'est-à-dire, la taxe s'applique pas à tout le monde. C'est ça, la question de fond. Oui, la question de fond, c'est ça. C'est l'équité fiscale. Parce que c'est pas une nouvelle taxe. C'est encore dans une lettre aux journaux ce matin, Mme Joly disait, ouais, mais c'est parce que on veut pas, on s'est engagé en campagne électorale en 2015, on n'a pas ajouté au fardeau fiscal des Canadiens. Mais c'est pas une nouvelle taxe, c'est une taxe qui existe déjà, que payent les grands distributeurs comme, comme Vidéotron, payent déjà cette taxe-là. Alors pourquoi on peut pas l'appliquer? Point TV paye, les autres le font. C'est ça qui... Puis sans compter que c'est quand même pas, il n'y a pas un Canadien qui va se plaindre de payer une pièce de plus par mois là, pour être abonné à Netflix. En fait, c'est 53 sous l'évaluation. 53 sous, donc c'est, personne ne va mourir de ça. Là. On est loin de la taxe de Stéphane Dion là, sur l'essence. Là. C'est pas au même niveau du tout. Oui, parce qu'en contrepartie, on dit « Ouais, mais on obtient de l'argent, dans le fond, l'argument, c'est on obtient de l'argent pour pouvoir faire de la production, sauf que production sans contrainte, sans capacité réelle de suivi, et surtout pas pour le Québec. Parce que là, ce qu'on entendait au Québec, le concert était d'ailleurs unanime. Mm. OK, mais la partie du Québec là-dedans, comment on la garantit? Il n'y en a pas. Oui, mais c'est parce qu'en plus, que c'est difficile à comprendre parce qu'il est sûr que Netflix aura investi au Canada. De toute façon, c'est un marché, c'est un de leurs principaux marchés. C'est sûr que c'est loin que derrière le marché américain, mais c'est un de trois ou quatre principaux marchés dans le monde. Je sais pas, c'est peut-être pas 500 millions que Netflix aura investi au Canada, mais supposons que Netflix aurait de toute façon investi 300 millions. C'est, faut relativiser. Mais encore une fois, c'est pas ça la chose importante. La chose importante, moi, qui m'apparaît, très, très questionnable. Comment se fait-il qu'en démocratie, les mêmes impôts, les mêmes taxes ne s'appliquent pas à tout le monde? Mm-hmm. C'est incroyable. Est-ce qu'on vit dans une démocratie, oui ou non? Ben, semble pas. En tout cas, sur le plan fiscal, international, non, vraiment pas. On n'est pas là-dedans. Et d'autant que ce qu'on disait aussi à propos de ça, la production, c'est bien cute, mais là, quand on dit, on va s'intéresser, par exemple, à un incubateur pour le journalisme local, la presse écrite de leur côté dit ben le problème a été soulevé là. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que par exemple dans les différentes plateformes qui existent sur Internet, c'est notre contenu qu'on, nous on paye des journalistes pour pouvoir produire un contenu qui se promène après de manière gratuite. Donc pourquoi il y a dans le monde des gens qui réussissent à y échapper? Ben Netflix, hein, c'est un peu la même chose. Hein. Ils sont en dehors du circuit. Mmh. C'est une question d'équité encore là. C'est une question d'équité ça. Mais je pense que de toute façon, David, qu'on aura l'occasion d'en reparler. Sinon, à nos micros respectifs, dans nos milieux respectifs, parce ouais. que tous les pays dans le monde sont confrontés à ce problème-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les géants du web américain? Et comment est-ce qu'on s'organise pour que la fiscalité soit équitable, soit bien répartie? Puis ça devient à la limite un problème aussi pour ces compagnies-là, parce que c'est toujours la même chose. Si les gouvernements de partout dans le monde n'ont pas de recette fiscale, il y a bien des choses qui ne pourront pas se faire. Puis les consommateurs qui achètent ces produits-là, à un moment donné, ils vont avoir de la misère à suivre, eux autres aussi. En tout cas, ça aura marqué très fortement disons, le passage politique de Mélanie Joly, parce que faire l'unanimité en politique, c'est très difficile. Elle l'a réussi merveilleusement bien. Juste le titre du texte d'Yves Boisvert, si vous ne l'avez pas lu, je vous le dis, allez le lire. Ça s'appelle « Un Canada créatif et colonisé ». Voilà, bing bang, c'est terminé, c'est réglé. Bien hâte de voir comment ça va s'en sortir et de voir comment on va réussir à la laisser en place, parce que depuis qu'elle est là, honnêtement, c'est pénible. En terminant, Jean-Claude, chiffre de la semaine, 1000 milliards oui, de mille sabords. 1000 milliards de dollars. De dollars, bien de sûr. De dollars américains. C'est le montant qu'a atteint le Fonds souverain de la Norvège. Rappelons que la Norvège est un pays scandinave de 5 millions d'habitants et ils ont des recettes issues du pétrole de la mer du Nord depuis maintenant plusieurs décennies, de faire au moins 30 ans. Puis il semble que leurs réserves s'épuisent moins vite que celles de l'Écosse. Alors, les autres, ils ont atteint le 15 septembre dernier la somme extraordinaire pour un pays de cette taille-là de 1000 milliards de dollars dans leur bas de laine. Je rappelle que pour juste fixer un peu les choses, mais le fonds de génération au Québec, c'est 20 milliards. On est 50 fois plus petit que notre fonds de génération que la Norvège, même si nous, c'est 8 millions d'habitants. Je rappelle que le PIB du Québec, c'est 325 milliards. Ça veut dire que si les Norvégiens, dans leur grande générosité, nous donnaient leur bas de laine, on pourrait passer 3 ans sans travailler, personne au Québec, puis vivre de nos rentes. Je rappelle que le budget du Québec, c'est 100 milliards. Fait que si, encore une fois, on avait le fonds norvégien, on pourrait passer 10 ans avec les mêmes services, mais sans payer ni aucune taxe, Netflix ou autre, ni aucun impôt au Québec. C'est absolument incroyable parce que ce fonds-là est à peu près est deux fois plus grand que celui de l'Arabie Saoudite, qui a quand même du pétrole depuis très, très longtemps. Il est plus grand que celui de la Chine. La Chine, c'est 750 milliards qui ont accumulé au fil des années. C'est quand même une décision qui est importante, qui est fascinante. Là. C'est fascinant. Puis rappelons-nous que l'Alberta avait ce genre de fonds-là. C'était Heritage Fund, le fonds de l'héritage. Mais Ralph Klein, qui était très, très, très aimé en Alberta, lui, il a dit à un moment donné, plutôt qu'augmenter les taxes, je vais puiser dans le fonds des générations. Ouais. Le Heritage Fund, ben, je pense qu'ils n'en ont plus présentement de Heritage Fund. C'est le fonds dégénéré. Puis il en aurait bien besoin. Effectivement. Merci, Jean-Claude. Alors voilà ce qui termine notre émission pour cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Claude. T'en prie. Merci. Et puis, merci également, un grand merci au professeur Étienne Saint-Jean. Très intéressant. La semaine prochaine, on va vous parler des consommateurs que nous sommes. Alors, à ne pas manquer, je vous rappelle que nous mettons les liens pertinents sur notre blog de ces textes dont on a parlé tantôt, en plus des textes de blog qui résument nos propos. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, à écouter en balado. Visitez econophile.net. Merci et à samedi prochain.